Je vous rassure, hein, ça va être extrêmement bref. Ce ne sera pas un discours de banquier républicain. Voilà, je me pencherai sur voilà, les joies du vivre ensemble. Voilà, c'est toujours une tâche un peu, délicate et difficile, mais en même temps stimulante, hein, d'essayer de rendre compte de la richesse des échanges qu'on a pu avoir pendant ces quelques ce jour et demi. Alors, je partirai en fait de ce qu'a dit Laurent Bille hier dans sa stimulante conférence, hein, voilà, où il a mis les pieds dans le plat de l'historiographie en nous expliquant voilà, tout le mal qu'il pensait, je plaisante, hein, de l'histoire politique et finalement aussi de l'histoire culturelle. Donc effectivement, on est bien entre les deux, hein, dans ce croisement entre l'histoire politique et ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'alimentation, l'histoire des pratiques alimentaires. Et c'est vrai que voilà, quand on fait le bilan de communications qu'on a reçues et de la manière dont on a construit le colloque, on voit quand même que la vieille histoire politique n'est pas morte, comme disaient les tenants de la nouvelle histoire dans les années 70. C'est un cadavre qu'il faut encore tuer. Elle chante encore. Voilà. Puisqu'on voit bien que finalement, l'approche d'histoire politique, hein, est quand même très dominante. Pour faire simple, on a beaucoup parlé d'histoire politique et pas beaucoup parlé d'alimentation dans son concret. Je vais y revenir. Je pense que c'est certainement le reflet de l'historiographie, parce que finalement, il n'y a pas énormément de travaux qui se centrent exclusivement sur les pratiques alimentaires, et en particulier les pratiques alimentaires collectives. C'est aussi parce que le colloque part de la Société française d'histoire politique, hein. Bon, voilà, donc il y a aussi des réseaux qui fonctionnent entre eux, donc on a effectivement cette dimension-là. C'est tout à fait notable de le remarquer. Ça n'enlève rien à la qualité des travaux, mais je pense que ça nous interroge aussi effectivement sur voilà, sur la difficulté ou sur la nécessité finalement de réinjecter à chaque fois, hein, des questionnements nouveaux, en particulier là sur cette question de l'alimentation. J'ajouterais, hein, pour me couvrir et pour nous couvrir collectivement, que là, la question des sources, évidemment, voilà, est absolument centrale, et qu'on aurait évidemment tous envie de savoir qu'est-ce que buvait dans le café de la Résistance en ces temps de pénurie alimentaire, voilà, quels étaient les verres. J'ai vu sur la devanture du café, le fameux café du Moulin à Vent, qu'il y a une publicité pour une bière. Alors, est-ce qu'elle est allemande, est-ce qu'elle est... j'ai pas vu le nom, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la bière, mais du coup, on pourrait s'intéresser si cette bière était déjà présente avant la guerre ou après la guerre. Voilà, est-ce qu'il y a une adaptation, je ne sais pas. Mais voilà, donc on peut saisir, mais ce sont souvent des traces extrêmement... Avant la guerre, ce n'est pas possible, parce qu'ils ont demandé à tous les cafetiers, les autorités ont demandé de remettre tout le matériau publicitaire qui était dans les cafés aux autorités. Il y a un papier là-dessus, il y a un article là-dessus qui est paru, et c'était une façon en fait d'attaquer la vitalité des cafetiers, parce que la quasi-totalité du matériau, des verres étaient siglés, estampillés, ouais. Des cendriers, etc., etc. Et donc il y a eu des queues aux mairies des cafetiers qui devaient remettre ce matériel. Parce qu'il y avait une réquisition pour destruction, parce que c'était censé faire la publicité de l'alcool, etc., etc. Est-ce que ça signifie qu'on a dû changer les devantures des cafés, et, comme on a vu là, pour inscrire... J'en sais pas plus. Je sais qu'ils ont dû ramener du matériel, mais les publicités qui existaient, ça m'étonne qu'elles soient des publicités d'avant-guerre. D'accord. Alors, voilà, donc cette question, effectivement, des sources, hein, qui nous préoccupe, mais on sait bien, hein, c'est aussi quand on pose les questions, quand on va voir les sources avec de nouvelles questions ou avec des questions spécifiques, qu'on finit par trouver des traces, hein, même très légères, des questions qui nous intéressent. Alors, je crois que le colloque a confirmé, hein, vraiment la pertinence, hein, de cet intérêt de repenser les formes de la mobilisation politique au prisme des pratiques de l'alimentation et des sociabilités du manger et du boire, avec, je dirais, trois éléments qui m'ont... Enfin, j'ai pas échappé, finalement, hein, vous voyez, moi aussi, aux trois parties, hein, mais en tout cas, aux trois axes sur la... Je crois qu'il y a eu que des plans en trois parties, une fois ça se parle, aux trois éléments. Le premier élément vers lequel converge un certain nombre de communications, c'est centré autour de la culture républicaine, d'une culture républicaine associant la pratique politique à l'activité alimentaire, culture républicaine au sens très large du terme. Cette utilisation et ce recours à l'alimentation, il est d'abord la fabrication d'un unanimisme partisan ou collectif. Voilà, c'est le manger ensemble que l'on voit et qu'on observe dans les grands banquets républicains, les grands banquets fondateurs hein, qu'on a évoqués, qu'on n'a pas travaillés, mais qui sont tout à fait importants, à partir de 47-48, hein, qui se perpétuent sous la République, qu'on a vu aussi dans les usages qu'en font les républicains au moment de Gagneur, ou façon, et j'ai beaucoup apprécié la communication sur le pique-nique du Méridien, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle, le pique-nique de l'an 2000, voilà, parce qu'il montre la continuité, hein, évidemment la transformation, mais la continuité de cet usage du manger ensemble comme acte d'adhésion et de construction politique. Donc je pense que là, il y a une vraie continuité qui va ensemble. Et cet usage politique de l'alimentation, il se fait... C'est, à mon avis, une des observations de notre chronologie entre le milieu du 19e jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il il est progressivement absorbé par la structuration du champ partisan. C'est-à-dire que ces pratiques sont réappropriées par des structures politiques, pas seulement par des structures politiques, mais nous, on a étudié les structures politiques, c'est-à-dire les partis, les groupements politiques qui les utilisent. Voilà, on l'a vu à partir du, à travers bien sûr, hein, les banquets républicains, les pratiques républicaines d'Archimbaud dans la Drôme. On les a vus aussi dans le Givors de l'entre-deux-guerres. On le voit dans l'Action française d'Olivier, où d'une façon, alors malheureusement il n'est pas là, donc je ne peux pas en parler avec lui, mais dans la proposition qu'a fait Pierre Mananti sur les dîners des barons, mais qui m'ont un peu posé des questions, je vous le dis, parce qu'on n'en a pas discuté, mais moi qui m'ont interrogé un petit peu, parce qu'on est dans une forme finalement assez particulière, parce que ce sont des dîners très individuels, dont on voit qu'ils se produisent peut-être bien davantage dans des lieux de pouvoir, dans des ministères, donc qui sont finalement... Enfin voilà, une forme qui pour moi s'écarte un petit peu de celle qu'on a vue, même si au départ, voilà, il y a des grands hôtels, il y a des grands restaurants. Mais moi, il m'interroge un petit peu sur cet usage. Voilà, mais bon, on va pas en parler, il n'est pas là, mais ça mériterait d'être questionné et d'être repris. Voilà, est-ce que par exemple d'autres formations politiques, le Parti socialiste, le Parti communiste, aussi utilisent ce type de pratiques politiques, mais qui sont plus internes? Plus endogène qu'exogène. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'utilisation du café et du restaurant comme un espace de diffusion des idées et des pratiques politiques. Donc c'est ce café comme interface, hein, entre le privé et le public. Voilà, on se rend en privé dans un café pour consommer, mais le café est un espace public. Eh bien, à maintes reprises, le politique joue de cette situation ambivalente, hein, pour pouvoir regrouper ou se poser dans cet espace collectif et diffuser des idéologies. Alors on le voit voilà, dans l'organisation des réunions, dans l'organisation des campagnes électorales, éventuellement dans l'organisation des banquets que j'évoquais tout à l'heure. Dans ce rôle central des cafés, il y a sans doute une dimension pratique. Hein, on le voit dans les campagnes, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres espaces alternatifs où l'on puisse faire du politique. Donc, il y a une forme d'exclusive autour des cafés. Mais aussi, on le voyait dans ce dernier exemple autour de la résistance, parce que le café, et là aussi, c'est très intéressant, il est à la fois un espace du public où tout se dit et tout s'écoute, mais en même temps, c'est un espace refermé où on est entre soi. Voilà, parce que on peut se refermer, et voir comment ces cafés, que ce soit sous la Seconde République, à Tours, comme on l'a vu hier, ou même dans les campagnes de Villefranche, ou pendant la Résistance, ou lors de la guerre d'Algérie, que finalement ces cafés sont des espaces où s'épanouit une forme de clandestinité. Donc voilà, c'est le paradoxe, parce que ce sont des espaces publics, mais en même temps c'est le seul endroit où des catégories minoritaires, marginales, peuvent exister. Hein. Et ça explique aussi ce qu'on a constaté, c'est que quand les partis s'institutionnalisent, ils peuvent aller avoir leurs propres locaux, etc. Donc le café, il occupe cette place tout à fait intéressante. Et d'une certaine façon, ce rôle hein, d'espace familier qui se transforme en espace politique, on peut aussi le rattacher hein, au café dans l'assassinat tragique du commandant Arnaud. Parce que là aussi, c'est encore un café, parce qu'il n'y a pas d'autre espace où le pouvoir populaire peut s'exercer. C'est le café, hein, voilà, il est là, et on l'utilise en tant que tel. Le dernier point de ces grands axes hein, que j'ai essayé d'observer, voilà, c'est le rôle, alors c'est peut-être un peu plus minoritaire par rapport à ce qu'on a eu comme intervention, mais c'est à mon avis important de le noter, c'est les cafetiers hôteliers eux-mêmes comme acteurs de la vie politique. Voilà, il y a le café-espace, et puis il y a le titulaire du café qui balance entre le militant engagé ou le militant intéressé ou le commerçant astucieux. On voit bien qu'on est quand même entre les deux, qu'on a des cafetiers engagés. Bon, Gaël nous en a donné des très bons exemples. Je pense qu'on ne peut pas tenir un café de la résistance sans être résistant. Je pense qu'on ne peut pas juste vendre. Il y a forcément un engagement individuel, et c'est sans doute la même chose pour les cafés du MLA ou du FLN. Et on posait la question de la postérité. Je pense qu'il fallait choisir son camp, et très clairement, c'était le cas. On a eu un exemple presque paroxystique de cet engagement qui est ce qu'on peut parler de militantisme, c'est le cas des cafés gaullistes et donc de ces liens très étroits avec le milieu les milieux du grand banditisme où là aussi on est à la fois un homme de parti et un cafetier qui fait des affaires, et donc là on touche quand même hein, cette profession essentielle, ce qui amène peut-être aussi à comprendre, alors ça c'est une petite un pas de deux par rapport à la question de la répression qu'on a évoquée avec Gaël, qu'on a vu aussi dans d'autres cas, c'est-à-dire ces cafés qu'on ne va pas forcément fermer. Je pense parce que dans beaucoup d'espaces, et notamment les espaces ruraux, ces cafés sont des lieux essentiels en fait, parce qu'on y sert à boire, mais souvent aussi ce sont des lieux de commerce. On y vend, on y fabrique du pain, on a eu l'exemple. Donc fermer un village, une boutique comme ça dans un truc, c'est dangereux. Et donc je pense que les pouvoirs publics, et Laurent en parlait hier, il y a la politique répressive possible, et puis il y a la confrontation réelle, donc on préfère surveiller de loin ou laisser voir plutôt que de mettre le bazar et éventuellement de créer des désordres supplémentaires. Et donc je pense que cette piste hein, de ces cafetiers hôteliers est tout à fait importante. Et donc elle revient sur une histoire des individus. Donc je pense qu'on a là un panorama à peu près complet. On a oublié des choses et on pourrait évidemment en discuter. Alors quelques terrains d'ouverture. Ce que j'évoquais tout au début, je pense que plus de nourriture nous aurait fait du bien. Je ne vais pas dire qu'on est resté sur notre faim, ce serait facile. Mais certaines communications, hein, je pense en particulier à celle sur la brasserie de Tours, là, avec ces listes qui nous ont tous fait rêver, de listes entières de dizaines et de dizaines de types de boissons consommées, nous font rêver. Les menus qu'a évoqué Gilles nous font aussi rêver, les recettes de Pampi, c'est ça? Je vous en donne, je vous Ouais, les recettes de Pampille, voilà, inscrivent quand même cette histoire-là dans, où je pense qu'on a aussi intérêt, on doit se pencher pour essayer de faire sortir davantage d'archives pour qu'on ne soit pas simplement dans une logique illustrative. Bon, c'est toujours utile et c'est toujours, ça fait saliver, mais voilà, on aimerait bien effectivement rentrer davantage. En tout cas, quand on peut, parce que c'est vrai que pour un certain nombre de choses, on ne le peut pas. Je pense que, et notamment, je le dis dans le cadre de la préparation d'une éventuelle publication, ça serait super si on pouvait, dans nos communications, voilà, faire l'effort d'aller chercher peut-être un peu plus, si on peut, ces éléments de la nourriture, hein, qui sont vraiment importants. Et j'ai beaucoup aimé, bon, l'usage politique, hein, du discours sur la politique, sur la nourriture, hein, est vraiment tout à fait intéressant. C'est à la fois une réalité, mais c'est en même temps une construction discursive. Évidemment, l'Action française se taille la part du lion dans cette approche intellectuelle et littéraire de l'alimentation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est... On a peu parlé des pratiques de sociabilité autres. Voilà, on a parlé un peu du manger, on n'a pas du tout parlé de la chanson, on l'a évoqué hier autour d'une table, justement. Bon, l'importance de la chanson, hein, ça je pense qu'il y a tout un tas de choses, et de la politique qui passe par la chanson. Par la chanson se pose aussi toute la question de la circulation des pratiques, des idées politiques, puisque, voilà, entre ville et campagne, on peut là aussi saisir un certain nombre de choses. Il y a sans doute d'autres éléments, parce que dans certains types de pratiques de banquet, par exemple, on peut aussi trouver des danses, on peut aussi trouver des sortes de concours d'éloquence, voilà, on a d'autres types de valorisation collective qui sont présentes, hein, dans ce type de festivités. Les spectacles. Exactement, qui font partie. Alors, on bascule un peu vers la fête, mais globalement, l'espace du repas est souvent voilà, élargi. Les cafés guignols à Lyon. Ben voilà. J'avais hésité à proposer ça. Voilà, tout à fait, et avec derrière voilà, un usage politique tout à fait fort. Donc, je pense que voilà, on pourrait aussi s'intéresser à ce lien. Et puis enfin, voilà, j'en profite, voilà, puisque je conclue, l'historien ruraliste revient au galop. Voilà, l'intérêt de la question de la circulation entre les villes et les campagnes, c'est amusant. Je vous dis ça, hein, je travaille pas à secret, mais quand j'ai accueilli ma collègue qui est géographe, hein, pour présenter le colloque, elle me dit ah oui, c'est l'histoire urbaine. Alors je l'ai regardé avec des grands yeux, je me dis, ben non, c'est pas de l'histoire urbaine. Les restaurants, les cafés, c'est au contraire voilà, un lieu où justement on peut confronter l'histoire urbaine et l'histoire rurale, et où voilà, les barrières tombent et la circulation des pratiques alimentaires, la circulation, hein, on l'a bien vu pour ce que disait Gilles pour Archambault, hein, c'est, ou pour Lyon, on va irriguer les villes et puis après on va aller dans les campagnes. On voit très bien cette circulation. Il y a, dernier élément, je m'arrêterai là, c'est le pique-nique qui m'y faisait penser, hein, le pique-nique de la Méridienne. On voit aussi émerger, hein, dans ces années de l'entre-deux-guerres, voilà, de nouveaux usages de la campagne, et notamment le pique-nique, dont s'emparent aussi les partis politiques. Hein, alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais voilà, il me semble, en tout cas moi je me semble que j'avais vu ça pour le Parti communiste, hein, voilà, qui faisait des repas champêtres. Alors c'est plutôt des repas en banlieue, mais on en trouve aussi dans les campagnes. Hein, donc cette notion de repas champêtre qui, elle, est me semble-t-il, assez nouvelle et sans doute illustre l'évolution des rapports ville-campagne dans les imaginaires de la société du XXe siècle. Et ça aussi, c'est... Ce que j'avais dit hier, le 26 juillet 1792, avant le 10 août, c'était un pique-nique, hein, à Paris. C'était un pique-nique. Donc c'était quand même assez... là encore, il y avait une symétrie des situations qui est assez étonnante, hein, à deux siècles d'intervalle. Et plus récemment, quand on voit les gilets jaunes sur les ronds-points, qui eux aussi, justement, faisaient aussi des ronds-points, des lieux de convivialité, et de sociabilité, donc là on aurait certainement un très beau travail à faire aussi sur... Ouais. Et on retrouve effectivement cette filiation centrale qu'on ne fait pas de politique sans alimentation, voilà, et sans boire. Et ça, pour nous, c'est, je dirais, la preuve qu'on ne s'est pas trompé en organisant ce colloque. Voilà, j'en profite parce que je fais partie des organisateurs pour vous remercier d'être venu, d'être resté, pour la qualité de toutes les interventions qu'on a eues, qui ont été vraiment extrêmement stimulantes. J'espère que Lyon vous a fait honneur à cette politique d'accueil, à peu près. Voilà. On attend les actes du colloque avec. Voilà. On fera de notre mieux. Merci à vous. La bière sur la brasserie du Moulin, c'est une bière lyonnaise, c'était Winkler, c'est une bière lyonnaise. Caisse de Romain-Tinon, page 645, brasserie fondée par un Alsacien Lorrain en 1975. Parfait. Il n'y a rien de mieux que les questions. Parfait.